Salut, c'est Mike l'écuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous. Quand Jean-Jacques Milteau enregistre Memphis en 2001, ça donne Heart of Gold de Neil Young avec Mighty Mo Rogers. Jean-Jacques Milteau. Searching for a heart of gold, yeah, and I'm going home. That keep me searching for a heart of gold, and I'm growing old, yeah. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. Searching for a heart of gold, and I'm growing old. That keeps me searching for a heart of gold. I'm growing old, yeah. Searching for a heart of gold, yeah, and I'm getting home. That keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Keep me searching for. Toujours sur le même disque, donc en 2001, Jean-Jacques Milteau invite aussi Little Milton pour interpréter « If you love somebody, set them free » de Sting, bien sûr. Jean-Jacques Milteau, J.J. Milteau. Think about me, but if you love. despise. Or prisoner in the dark, tied up in chains you just can't see. Or beast in a guilty cage, that's all some people ever want to be. Après deux titres de l'album Memphis de Jean-Jacques Milteau, on va s'intéresser à Jackbone Slim Combo, un album de 2015 avec deux reprises, une de Chuck Berry et une de Bob Dylan. Alors, pour Chuck Berry, c'est presque un incontournable. Les groupes français aiment beaucoup cette chanson. You Never Can Tell, Jackbone Slim Combo en 2015. It was a teenage waiting and the old folks waited and well. That Pierre did truly love the mademoiselle. And I did on monsieur and madame, I run the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, supposed to show you never can tell. They had a leafy for a little boy, and did the ladies blessed. 700 little records, blues, rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it was to show. so you never can tell. C'est la vie. C'est the old folks. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a suit up and shit made while the sherry red 53. They drove me down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there that Pierre was married to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie. C'est the old folks. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Nous restons toujours avec le Jack Bon Slim Combo en 2015 avec une reprise de Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Pas mal d'artistes français ont aussi repris cette chanson, comme Arnaud Fradin par exemple sur son album Steady Rolling Man en 2017. Arnaud Fradin and the Roots Combo. On le repassera dans une prochaine émission. Mais là, on reste avec Jack Bon Slim Combo. Don't think twice. It's alright, baby. Now n'ai qu'un mot à dire, magnifique. C'était donc Jack Bon, Slim Combo. Est-ce que vous vous rappelez de toutes les merveilleuses versions qu'a déjà proposées Mr. Harderly, hein, surtout du Jimi Hendrix et du Deep Purple? Eh bien là, il récidive avec son dernier album paru en février 2021, Mr. Harderly, Mean Blues. Et l'un des titres de cette pépite s'appelle « When a Blind Man Cries ». Et c'est un morceau de Deep Purple de Machine Head, album initialement paru en 1972, mais qui ne comportait pas cette chanson. C'est lors d'une réédition sur un disque plus récent, je ne sais plus quelle année, mais enfin dans les années 2000 certainement. Voici donc Mr. Harderly, reprise de Deep Purple. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers.